La médecine est le fruit d'une longue évolution et de nombreuses découvertes. À l'aube de la Renaissance, les médecins étudiaient encore l'anatomie sur les animaux, et pour cause, l'interdiction formelle par les religions chrétiennes ou musulmanes de disséquer le corps humain a empêché toute avancée pendant 1000 ans. Aujourd'hui, science et religion ne font toujours pas bon ménage. Si le corps humain en lui-même a été désacralisé, sa fabrication, elle, reste de monopole divin. C'est pourtant de cela dont il est question aujourd'hui. Et c'est Hélène qui va nous en parler ce soir à travers le sujet des cellules souches. Nous sommes le 18 janvier, vous écoutez Podcast Science numéro 69. Bonsoir. Alors bienvenue à tous pour ce numéro 69 de Podcast Science. Là c'est Franck qui vous parle. Je suis en compagnie de toute l'équipe. Donc il y a Hélène. Salut Hélène. Salut. Il y a Alan, bien sûr, professeur Phone, pardon. Salut Franck, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Et ben ouais, carrément. Et il y a Marco. Salut Marco. Salut Franck. Ok. Salut Hélène, Alors. salut Alan aussi également. Salut Marco. Alors. Alors, pour ce numéro 69, on a choisi un sujet pas spécialement érotique, désolé pour les amateurs. Encore que les cellules souches, je crois que ça touche un peu la reproduction, non, Hélène? Oui, bah surtout les embryonnaires, mais il n'y a pas que les embryonnaires, donc c'est là où il n'y a pas que la reproduction. Ah, ok. Ouais. Alors, vas-y, on t'écoute. Voilà, alors, souvent présentées comme l'avenir de la médecine, les cellules souches sont déjà au cœur de certaines thérapies. Si elles sont source d'espoir pour bon nombre de personnes, l'utilisation d'embryons surnuméraires humains pose des questions éthiques, comme tu l'as présenté au début. Pour pouvoir répondre à ces questions, il est important de bien comprendre ce que sont les cellules souches et quels sont leurs pouvoirs et leurs limites. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais faire un tour rapide autour de la biologie de la cellule. Je parlerai ici que des cellules des êtres pluricellulaires et donc plus particulièrement des animaux, hein, avant qu'on me tape dessus. Bien qu'ayant chacune un rôle bien défini, presque toutes les cellules d'un être vivant contiennent une copie intégrale du génome de cet individu dans leur noyau. Elles ont bien toutes le même ADN. C'est important de le rappeler. On va faire un petit tour rapide de la division cellulaire. Ça a été un peu remis en question, ça, dans la question de savoir si toutes les cellules avaient bien l'ADN identique. Ouais, enfin après c'est bah, Non? l'ADN en lui-même, il est enfin Le génome est bien entier dans toutes les cellules? Parce que par ouais. exemple, j'avais lu des choses comme quoi chez les gamètes, il y avait des modifications et qui étaient transmissibles en plus. Mais bon, c'est peut-être pas confirmé encore, c'est juste ouais, des Ouais, articles comme ça. moi j'en suis encore à ce dogme-là. Alors peut-être qu'effectivement il y a quelques gamètes. Après, il y a par exemple les globules rouges, il n'y a plus de noyau du tout, donc c'est sûr que Oui, ça c'est l'ADN. sûr. Ok. Bon, voilà, mais bon, on va rester sur ça. On va pas compliquer Ok, encore d'accord. plus le truc. La division cellulaire, donc il y a deux grandes phases. Il y a l'interphase et la mitose. Donc la mitose, c'est ce qu'on connaît bien, et puis l'interphase, c'est ce qu'il y a la plupart du temps. Donc durant l'interphase, la cellule croît et se prépare à la division qui donc aura lieu pendant la mitose. Donc l'interphase en fait elle est découpée en plusieurs périodes. Donc la première est appelée G1 et donc c'est le moment où la cellule croît et puis elle fonctionne selon sa programmation. Donc elle va faire de la synthèse de protéines, elle va communiquer avec les autres cellules, enfin tout ce qui fait une cellule normale, quoi. La seconde, c'est la phase S, donc c'est le moment où l'ADN est dupliqué. Et donc, où en fait, c'est là où les chromosomes, ils ont deux chromatides identiques, enfin plus ou moins identiques, reliés par le centromère. Donc ça fait, quand c'est bien compacté, après ça fait la forme d'un X. Et la troisième, c'est la phase G2. Où là la cellule se prépare à se diviser et finit de croître encore un petit peu. Donc c'est les phases G, il se passe pas grand-chose, enfin on voit pas grand-chose se passer. Et la phase S, c'est la duplication de l'ADN. Et en plus des phases G1 et G2, il y a une phase de repos, la phase G0 en fait. Et là, la cellule fait enfin remplit que ses fonctions normales au sein de l'organisme. Donc c'est la phase dans laquelle sont la plupart de nos cellules d'adultes. Et j'ai oublié de dire, durant les phases G1, G2, il y a des points dits de non-retour qui en fait enclenchent le passage à la phase suivante. C'est un peu avant le passage que la mécanique est mise en marche. D'accord. Donc en fait, tout ça c'est régulé de manière très fine et c'est dépendant de beaucoup de facteurs, dont la présence de nutriments, l'absence de poisons et la présence de facteurs de croissance. Et il y a aussi nécessité des cellules d'avoir un point d'ancrage, enfin qu'elles aient un peu d'espace pour pouvoir se diviser. S'il y a trop de cellules, en fait, ça empêche la division. Et donc ça empêche qu'on ait C'est d'ailleurs partout un des nouveaux. processus qui est impliqué dans le cancer, ça. C'est qu'après, si c'est plus régulé, elles continuent quand même à se diviser si elles n'ont plus de place. Voilà, bah ça, j'en reparlerai un peu après. Ah, ok, pardon. Non, mais pas de souci. Sinon, il y a après. Donc après cette interphase, il y a la mitose, qui est donc le moment où la cellule se divise, qui est bien, enfin la partie un peu bien connue des gens, faite en quatre phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase, enfin bon. Où là, donc en fait, ça va être au niveau du noyau, les chromatides qui s'alignent, qui se séparent et qui vont intégrer chacune un noyau, donc comme ça. Chaque cellule fille, normalement, obtient une copie identique du génome de l'individu. Bon, après, des fois, il y a des petits soucis dans l'application, mais normalement, c'est comme ça. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu nous rappelles ce que c'est qu'un ou une chromatide? Alors, les chromatides, en fait, c'est une copie d'un chromosome. En fait, D'accord. juste avant, enfin, pour se séparer, il faut que le chromosome soit dupliqué pour que chaque cellule et le même génome justement, et donc en fait quand ils se dupliquent ça fait deux chromosomes, mais ils sont pas séparés, ils sont accrochés par le centromère, D'accord, enfin centromère. c'est au milieu à peu près, on va Ok, dire. mais le centromère, ça existe dans un chromosome normal. Oui. D'accord. Et puis, quand la copie est créée, donc cette chromatide, elle reste reliée au chromosome original par le Voilà. centromère. En fait, D'accord. le double brin de l'ADN va être ouvert au moment de la copie. Donc, à chaque fois, il y a un brin qui reste et puis un nouveau brin qui s'accroche au brin en fait qui reste et ça reste accroché par le centromère pour, enfin, comme ça, c'est plus facile entre guillemets de retrouver quel chromosome va ensemble quoi. D'accord. Ok, on se représente bien l'image mentalement. Voilà, bah c'est vraiment la représentation en NX du chromosome assez classique. Puisqu'en fait, c'est durant la mitose que l'ADN est compacté au maximum. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut observer les chromosomes et que c'est à ce moment-là, enfin c'est des cellules en mitose qu'on prend pour faire les karyotypes. Enfin là où on regarde bien si on a tous les chromosomes au bon endroit, si on est un monsieur ou une madame, enfin tout ça quoi. Et donc en fait, cette compaction, elle est faite d'abord, il y a des protéines qui sont liées à l'ADN, les protéines histones, mais ça c'est tout le temps, hein, elles sont tout le temps là. Et en plus, ça va se renrouler sur lui-même plusieurs fois pour être vraiment bien compact. Et donc ça fait que à ce moment-là, aucun gène n'est exprimé. Enfin, c'est pas possible d'aller transcrire D'accord. le gène. Enfin, donc Tu peux juste redire le nom? On n'a pas bien entendu le nom des protéines les qui sont protéines avec. histones. Ah, ok, d'accord. Keystone. Histone. Ah, histone. D'accord. Avec un Comment t'écris H. ça? Histones. Parce qu'il y a D'accord. plusieurs types. Ok. Voilà, donc ça c'était pour la division cellulaire. Après, il y a chez les êtres multicellulaires, une grande variété de types de cellules qui sont de différentes formes, de différentes fonctions. Par exemple, les neurones, ils vont présenter des ramifications, soit un peu en étoile, et ils peuvent être très longs puisque on va, par exemple, enfin, pour bouger les doigts de pied. On a un neurone qui part du doigt de pied et qui va jusqu'au cerveau. Donc, il fait toute la longueur de l'individu. Ouais, bon, ça c'est un petit peu exceptionnel quand même. Oui, ouais, c'est, il y en a pas, il y en a pas, enfin, c'est pas On la n'a pas d'étoile majorité, comme ça. mais voilà. Mais c'est possible, ouais. Mais c'est possible, à contrari, enfin, par rapport aux autres cellules, il est vraiment pas la même taille, quoi. C'est pareil, les fibres musculaires sont un peu plus longues que d'autres cellules. Enfin, les Si cellules. on pense à la grenouille là, dont on a parlé cette semaine, le plus petit vertébré de quelques millimètres, ça veut dire qu'il y a des cellules qui sont plus grandes que des individus entiers. Oui, enfin, dans la longueur, quand tu mesures en longueur, c'est pas Ouais, très le épais non poids, plus, non. quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, la forme va être dépendante de la fonction, en fait, de la cellule. Et donc, en fait, pour faire, enfin, pour remplir sa fonction, la cellule va exprimer certains gènes que d'autres cellules ne feront pas. Donc, bah, par exemple, dans les cellules endocrines, on va produire des hormones. Donc, on va avoir les gènes qui vont permettre la production et enfin, la production d'hormones qui vont être transcrits histoire de pouvoir les faire. Et donc, voilà. Et ces différents types de cellules, en fait, sont plus ou moins capables de se diviser. Donc tout ce qui est cellules épithéliales, donc c'est la peau, les parois intestinales, enfin tout ce qui nous sépare du milieu extérieur, ça se divise très fréquemment. Les cellules hépatiques, au contraire, se divisent, sont capables de se diviser, mais le font que si c'est nécessaire. Et les cellules les plus spécialisées, comme les neurones ou les fibres musculaires, elles sont carrément incapables de se diviser. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les neurones, on les perd, on les gagne pas. Parce que justement, ils sont pas capables de se régénérer. Et donc au niveau du noyau de l'ADN, la différenciation, on va la voir dans la condensation des différentes zones d'ADN. Donc une zone enfin, où il y a des gènes qui ne seront pas utiles va être très condensée. Tandis que là où on a les gènes utilisés par la cellule, ça va être beaucoup plus enfin, décondensé pour que justement l'ARN qui transcrit et qui permet de produire les protéines puisse s'accrocher et transcrire. Et donc, il y a aussi des marqueurs plus chimiques puisqu'il y a une méthylation, donc l'ajout d'un groupement CH3 à l'ADN. Donc, s'il y a beaucoup de groupements méthyle, ça va inactiver les gènes. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va au contraire signaler qu'il y a des gènes importants à cet endroit-là. Il y a d'autres choses importantes, c'est que les chromosomes des eucaryotes sont non circulaires. Donc, en fait, ils ont des extrémités qui sont les télomères. Et c'est des zones qui sont hautement répétitives et où il y a en fait, il y a un des brins d'ADN qui est un peu plus long et qui se replie sur lui-même pour bien coller le bout que les deux brins n'aillent pas voir ailleurs s'ils y sont. Et aussi empêcher la cellule de croire que l'ADN est cassé et veulent recoller le bout de son chromosome sur un autre. Donc, D'accord, donc ça marque, ça délimite finalement la cellule eucaryote, le télomère, Le enfin les télomère, c'est télomères. uniquement chez les eucaryotes puisque il y a un bout au chromosome. Donc il faut qu'on sache où est le bout du chromosome pour pas faire de pour pas recoller et qu'on aussi empêcher les deux brins de se séparer de manière anormale, enfin de façon D'accord. désirée. Ok, tu nous rappelles juste ce que c'est qu'une cellule eucaryote, hein? Une cellule eucaryote, c'est une cellule avec un vrai noyau, enfin avec un noyau. Donc c'est tout ce qui n'est pas bactérie, pour faire très rapide. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est une cellule aussi pour les plus démunis d'entre nous? Vraie cellule. Je rigole. Mais ça commence à devenir dur là. Donc le problème, c'est que de ces télomères, c'est que l'ADN polymérase, donc l'enzyme qui duplique l'ADN, qui permet justement d'avoir de copier les chromosomes, est incapable de copier l'ADN jusqu'au bout. C'est physique en fait, c'est pas chimique, plus exactement physique. Mais... Et donc en fait, à chaque mitose, les télomères courcissent. Enfin, néanmoins, il y a une enzyme qui permet de synthétiser l'ADN télomérique, c'est la télomérase. Et elle va être présente et active dans les cellules germinales, dans les cellules embryonnaires et dans les cellules cancéreuses. Donc c'est ça qui, en fait, va faire que voilà, ça va rallonger les télomères par rapport à ce que fait l'ADN polymérase pour qu'on ne perde pas les télomères. Parce que sans elles, en fait, les cellules sont limitées à une quarantaine de divisions. Et après, les cellules, au bout de 40 divisions, elles n'ont plus de télomères et elles sont plus viables. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la mort programmée des cellules, donc l'apoptose. Et là, en fait, on parle aussi de suicide des cellules, puisque en gros, la cellule implose. Donc elle part en petits morceaux. Au passage, elle a coupé son ADN pour que ça soit qu'il puisse pas être récupéré. Et elle va même appeler les phagocytes qui vont venir absorber les différents morceaux de la cellule pour que ça puisse pas aller ailleurs et Pour bah, entre mourir guillemets proprement, quoi. contaminer les autres cellules. Et en fait, ça vient soit quand la cellule détecte qu'elle a des problèmes, enfin une atteinte grave à son génome, soit si elle reçoit des messages extérieurs à elle. Et donc ça peut permettre d'éviter des proliférations de cellules si à un moment ça se prolifère de manière anormale. Normalement, le corps envoie des messages et les cellules se détruisent d'elles-mêmes. Sauf si les cellules sont cancéreuses. Et là, on Et en fait, arrive. donc les télomères, en fait, pour revenir là-dessus, c'est un petit peu le sablier de l'espérance de vie des cellules. Voilà. Mais sachant qu'on peut le ré, enfin, entre On guillemets, peut le réinitialiser. réinitialiser. Ouais, d'accord, C'est-à-dire ok. qu'en règle générale, la télomérase, elle est sur des cellules qui ont le télomère intact, enfin, vraiment sans problème. Et elle va juste les maintenir, justement, dans tout ce qui est les cellules souches, les cellules germinales, pour permettre que de ne pas être limitée dans le nombre de divisions. D'accord, ok. Voilà. Et elle va être dans les cellules cancéreuses, puisque les cellules cancéreuses, c'est un joyeux bazar. Il n'y a pas des crèmes de beauté aussi qui revendiquent une action sur les télomères ou je sais pas quoi? Bon, ça, Je je crois sais pas, mais que... alors moi j'ai des gros doutes sur les crèmes de beauté Oui, non, mais ça, c'est à sûr. l'ADN végétal, machin, moi Il je. me semble Faut qu'il y en a s'en comme ça méfier. qui revendiquent... Enfin bon, bref. Faut se méfier de ce genre de truc. Hein. Ouais. Donc, pour en revenir vite fait sur les cellules cancéreuses, après je passe à la suite. Donc en fait, c'est des cellules qui peuvent pas rentrer en apoptose, enfin qui ne rentrent plus en apoptose. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus mourir. Voilà, elles peuvent plus mourir. En plus, donc elles ont de très fortes modifications génétiques. Donc il y a énormément de mutations. Il y a même des translocations. En fait, il y a des déplacements de fragments de chromosomes sur un autre. Enfin, c'est vraiment, ça n'a plus rien à voir. Hein. Le génome d'une cellule cancéreuse avec le génome d'une cellule normale. Et en fait, ça va inactiver tous les systèmes de réparation de l'ADN. Donc alors, les mutations vont s'accumuler. Et activer le système, enfin les systèmes de prolifération qui ça va vraiment favoriser la division cellulaire. Donc en fait les cellules cancéreuses elles vont se diviser très très rapidement. En plus elles ont un système pour enfin qui favorise la vascularisation. Donc il y a des petits vaisseaux qui viennent les irriguer parce qu'elles ont un peu besoin de nutriments. Et comme ça, elles envahissent peu à peu, enfin si on fait rien, hein, le corps du malade, et ça va empêcher les organes vitaux de fonctionner, et donc forcément, ça entraîne la mort de la personne. Donc, enfin les cellules cancéreuses sont réellement immortelles, c'est-à-dire qu'en culture, on peut les maintenir sans problème pendant des années. Enfin, ça se fait d'ailleurs. Sans problème, tant qu'elles ont leurs nutriments pour pouvoir vivre, elles Oui, se d'ailleurs, les divisent. chercheurs utilisent tous la même lignée en fait de cellules, je crois. C'est les Ouais, HER ou je c'est. sais pas quoi. Ouais, il me semble aussi. Mais Ouais. et ça vient d'un patient qui est Ouais, d'une patiente, voilà. Des enfin, cellules d'une cancéreuses d'une patiente patiente. Ouais. qui des années 70, enfin 60-70, Oui, je sais plus. ouais. Enfin, donc ça, c'est vraiment. Enfin là, c'est aussi enfin, c'est des cellules immortelles. Donc les autres cellules immortelles, ça va être les cellules souches. Et qui vont avoir comme autre intérêt que d'être immortels, d'être capables de se diviser à l'identique, mais aussi de se différencier en différents types de cellules. Et donner ainsi, justement, pouvoir donner des neurones, des cellules de la peau, enfin, les cellules de la rétine, enfin, tout ce qu'on veut. Enfin, encore que. En fait, ça va dépendre du type de cellule souche. Il n'y a pas qu'une seule sorte de cellule souche. Donc alors, les cellules souches par excellence, entre guillemets, c'est les cellules souches dites totipotentes, donc de toti, tout pouvoir. Donc ça, c'est les cellules qui permettent un développement complet d'un individu. C'est-à-dire si ça va pouvoir donner un embryon, plus les annexes embryonnaires, donc c'est des cellules, si on implante chez une femelle de la même espèce, ça va pouvoir donner un individu complet, un clone, si on coupe en deux, enfin si on ben, s'il y a plusieurs cellules. Donc en gros, ça va de la cellule œuf et chez l'homme jusqu'au stade morula, donc jusqu'à 8 cellules, donc en fait jusqu'à que ça soit vraiment les cellules se touchent les unes aux autres. Quand on voit. Et donc c'est à ce moment-là que le clonage reproductif va être possible. C'est le seul moment d'ailleurs. Donc c'est ce qui se passe chez les vrais jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a deux cellules ou un peu plus, il y a une cellule ou plusieurs qui se séparent du reste et qui va du coup donner un autre individu. Mais donc forcément identique. Et des D'accord. fois, elles se séparent mal et ça donne des siamois. J'ai pas entendu la remarque. Je disais, des fois, elles se séparent mal et ça donne des siamois. Oui, c'est enfin, souvent c'est même un peu plus tard en fait les siamois, puisque justement ça pour se diviser mal. Mais et il y a d'autres choses encore plus rares, mais ça arrive. Ça va être l'absorption en fait, ça va être deux petites boules de cellules hein, venues de deux cellules œufs différentes qui vont s'agglomérer. Donc ça va être le contraire et là on va avoir des chimères. On en a parlé dans l'actualité scientifique la semaine dernière avec des singes chimères. Ça arrive chez l'être humain, il y a des trucs assez bizarres. Donc par exemple, il y a une femme qui dont on a enfin elle avait des problèmes avec pour faire reconnaître ses enfants parce qu'elle a eu des soucis, donc elle a fait des tests génétiques pour voir si ses enfants étaient donneurs compatibles. Et là, les gens, les généticiens, enfin, mais c'est pas vos enfants, vous n'avez pas le même, enfin, ils n'ont pas vos gènes, quoi. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, la dame avait deux génomes différents en elle. Donc, en fait, c'est l'inverse des jumeaux. Au lieu de scinder en deux, c'est deux choses qui se compactent en deux. Mais il venait d'où ce deuxième génome? Et ben en fait, ça viendrait d'une sœur jumelle, enfin fausse jumelle pour Ah le oui, coup, qui d'accord. aurait été Ok. absorbée, en fait, à qui ça serait compagnie. Mais attends, ça veut dire que dans chaque noyau de chaque cellule de son corps, elle avait deux Non. types d'ADN. Ah. Non, en fait, elle a certaines cellules qui ont un génome et d'autres cellules qui ont un autre génome. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas Donc en complètement mélangé fait, en fait, c'est mixé. ces ovaires n'avaient pas le même génome que les cellules qui ont été prélevées pour faire ses tests ADN. Ouais, d'accord. Donc Ça fait mal, c'est bizarre que ça n'avait pas de problème, pas posé de problème de reconnaissance entre cellules, que ce soit deux génomes différents. Ben après, c'est tellement imbriqué dès le départ, je pense qu'il y a Ah ouais. un apprentissage. C'est un peu comme Après, si. C'est un peu comme si quelqu'un me donnait un bras, que je me le greffais et que ça posait pas de problème, finalement, c'est pareil. Ouais, bah après c'est quand même des niveaux non, enfin dans la nature c'est quand même du frère et sœur, hein. Ouais, c'était très proche, ouais. C'est quand Ouais, même d'accord. plus proche. Donc après on sait jamais, il y a peut-être des fois où ça marche pas et du coup ça avorte avant Oui, terme. d'accord. Et comme on sait même pas, enfin on estime le nombre de gens qui sont comme ça, mais on sait pas parce qu'on fait pas des tests Sur génétiques les à tout le monde les. pour savoir s'ils ont qu'un seul ADN ou plusieurs, enfin bref. OK. Donc, pour revenir à nos cellules souches, après, il y a les cellules souches qui pluripotentes, qui sont celles qu'on utilise beaucoup plus, enfin, au niveau thérapeutique. Donc, c'est des cellules souches embryonnaires, et elles, en fait, par rapport aux précédentes, elles peuvent pas créer les annexes embryonnaires. Elles peuvent donner toutes les types de cellules d'un individu, mais comme elles peuvent pas créer un placenta et un cordon ombilical, elles peuvent pas être utilisées pour faire un clone, en fait. Et donc, en fait, elles viennent de ce qu'on appelle la masse cellulaire interne du blastocyste. Donc, ça va jusqu'au stade 40 cellules. Donc, le blastocyste, en fait, l'œuf, enfin, l'embryon, ça devient une boule creuse, et il y a un endroit, il y a une grosse boule de cellules, et c'est là où va se développer l'embryon, en fait. Le reste va donner le placenta. Après, on a des cellules souches multipotentes. Donc là, celles-là, on les retrouve autant chez l'embryon que chez l'adulte. Elles ont déjà commencé un peu à se différencier, et elles peuvent donner que certains types de cellules. Donc on dit que c'est des cellules déterminées, mais ça reste quand même des cellules souches. Et les plus connues, c'est les cellules hématopoïétiques, qui sont donc dans la moelle épinière et dans le sang de cordon. Et ces cellules-là vont donner toutes les cellules du sang, donc les globules rouges, les plaquettes, les lymphocytes et les macrophages. D'accord. Et alors il y a les cellules souches unipotentes. Celles-là, elles sont capables de s'auto-renouveler. Donc elles sont, enfin là apparemment ils sont pas tous les chercheurs sont pas d'accord, mais elles seraient immortelles. Mais elles peuvent donner qu'un seul type de cellule. Et c'est le cas des cellules épithéliales, donc de la peau, des intestins, du foie ou des testicules. Et donc, c'est assez intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on en a, c'est que ça permet la régénération, en particulier lors d'une lésion. Donc, une lésion. Voilà. Donc, quand on se coupe, heureusement que nos cellules de la peau, elles peuvent se diviser pour pouvoir refaire de la peau au-dessus de la coupure, quoi. Et donc Ok. cicatriser. Et par contre, à l'opposé, il y a des organes comme le cœur ou le pancréas qui n'ont pas du tout de cellules souches. Et là, c'est pas possible. Enfin, s'il leur arrive quelque chose, ils ne peuvent pas se réparer d'eux-mêmes, quoi. Et Donc pour... Ouais, pardon, vas-y. non, vas-y. Non, je voulais reprendre les vu que là t'étais à unipotente, il y avait les résumer les différents types de cellules souches. Il y avait les pluripotentes, les Alors, multipotentes. il y Et a les les totipotentes, totipotentes d'abord. il y a les Oui, totipotentes. totipotentes. Donc ça, c'est vraiment, enfin, il y en a même, c'est Elles peuvent tout limite, faire. pour eux, c'est pas des cellules souches parce que c'est vraiment le tout début de d'un individu, quoi. C'est la cellule œuf et puis les tout premiers stades. Donc c'est vraiment, enfin voilà, Ouais, stade morula en fait, les... ouais, c'est stade Ok. morula. Ok. Donc pluripotente qui peut donner toutes les cellules d'un être humain, sauf de tout ce qui est annexe embryonnaire. Comme le placenta. Oui. Multipotente qui donne une lignée de. Enfin, un certain type de cellules, donc par exemple toutes les cellules du sang. Et unipotente, ça donne vraiment qu'un type de cellules. D'accord. D'accord, elles sont toutes immortelles, j'ai pas compris. Normalement, elles sont toutes immortelles. C'est juste D'accord, les ok. unipotentes, il y en a qui. Enfin, il y a des chercheurs qui sont pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elles Ok. sont réellement immortelles ou pas. D'accord. Et alors. En plus de celles-là, il y a les cellules souches induites. Donc ça, c'est pas naturel. C'est des cellules souches pluripotentes, donc qui sont capables de donner tous les types de cellules d'un adulte, mais qui vont être obtenues à partir de cellules différenciées. Et donc ça Ah se ouais. fait C'est fait à partir de l'injection de 4 gènes par un vecteur viral. Et ces gènes-là vont en fait activer les systèmes de division et de différenciation. Et donc c'est une technique qui a été mise en place par le professeur Shinya Yamanaka en 2007. Donc c'est assez récent. Et l'année dernière, enfin novembre dernier même, c'est encore plus récent, une équipe de Montpellier a réussi avec 2 gènes en plus à prendre une cellule sénescente, c'est-à-dire qui est vraiment qui est vieille et qui normalement est censée arriver à l'apoptose parce que ça commence à vraiment, enfin l'ADN commence à être un peu dégénéré. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Et donc ils ont réussi à partir d'une cellule qui est normalement censée forcément arriver à la mort cellulaire, à la faire revenir en cellule souche pluripotente. Donc en fait ça c'est très intéressant parce que déjà ça permet d'obtenir des cellules souches enfin, un peu plus facilement qu'avec des embryons. Et surtout Plus facilement ou plus éthiquement? De ce que j'ai vu, enfin, c'est un peu plus facile après de les redifférencier. Après, éthiquement, effectivement, il y a les questions éthiques. Et puisqu'on ne va pas avoir besoin de détruire un embryon pour les C'est ça, avoir. ouais. Et surtout aussi, l'intérêt, c'est on peut avoir du coup des cellules qui ont le même génome que le patient. Dans tout ce qui est Oui. rejet, greffe, c'est intéressant. Ok. D'accord. Alors, Donc. si on peut juste récapituler, que je comprenne bien, je ne suis pas sûr d'avoir compris, on prend n'importe quelle cellule de n'importe quel bonhomme, en appliquant la technique d'un chercheur japonais qui utilise 4 gènes, on arrive à la réinitialiser à un stade de cellules souches pluripotentes, et en ajoutant encore 2 gènes trouvés par une équipe de Montpellier, on arrive à inverser le vieillissement de cette cellule, la réinitialiser complètement, remettre les compteurs à zéro, Voilà, c'est et ça c'est l'idée. ça. D'accord, c'est incroyable quand même, c'est génial. Ouais, enfin c'est C'est clair. enfin je vais voir, c'est génial sur le papier. D'accord, ok, Mais il c'est y a un souvent des. mais. Il y a un mais. Ah, d'accord. Oui, non. C'est souvent des équipes japonaises, non? Ils sont très en avant dans le sujet, sur le Ouais, sujet. bah je pense que ils ont aussi les financements et puis peut-être pas non plus la même vision des choses au Tu niveau de voudrais dire l'éthique. moins. Ouais, d'accord. Bah après c'est nous on a aussi enfin comme tu disais c'est l'Église qui a interdit pendant longtemps qu'on touche pas enfin qu'on fasse pas de Dissèque pas les dissection morts, ouais. donc Mais pas après seulement je sais l'Église, hein, toutes les religions en fait. Hein. oui mais après est-ce que ils ont pas aussi une autre enfin là je saurais pas répondre hein, mais c'est possible aussi qu'ils aient pas du coup enfin ils ont pas forcément le même rapport à la vie et du coup enfin, je sais pas ça Il y a sans doute une composante culturelle là-dedans, probablement. D'autres valeurs, quoi, finalement, qui font que c'est possible là-bas, que ça l'est moins ici. Ouais, sûrement. Ouais, je sais pas. Enfin bref, on t'écoute. Donc, sur l'int enfin, donc là, j'arrive sur les intérêts thérapeutiques de ces cellules souches. Donc, l'intérêt premier, en fait, c'est de créer des organes et des tissus à partir d'une cellule. Enfin, pour l'instant, c'est quand même plutôt quelques cellules, mais de pouvoir recréer in vitro complètement un organe et pour le transplanter, enfin, remplacer chez un patient. En plus, sans avoir besoin d'un donneur d'organes. Donc, c'est quand même un très grand espoir. Ouais, sans devoir élever des clones sur une île isolée. Oui, enfin bon, mais on arrive à refaire juste l'organe en fait. On n'est pas obligé de faire le clone. Ouais, ok. Enfin, c'est ça l'idée. Ouais, d'accord. Donc en fait, ce genre de choses, ça se fait plus ou moins dans cette idée-là. C'est les cultures de peau pour les grands brûlés. Donc là, on va prendre un petit bout de peau intact quelque part. On va le mettre en culture et on va favoriser la division cellulaire. Et comme j'ai dit avant, enfin, dans la peau, il y a des cellules souches qui donnent que des cellules de peau. Mais ce qu'on veut, c'est refaire une peau pour le brûler. Et ben, on va faire en culture en fait de la peau de la personne. Et on va pouvoir lui remettre de la peau beaucoup plus rapidement que s'il fallait attendre qu'il cicatrise par lui-même. Donc ça un peu plus, enfin c'est un peu moins douloureux pour la personne. Et puis il y a les greffes de moelle osseuse dans tous les cas des maladies du sang comme les leucémies et tout ça, où là en fait l'intérêt de la moelle osseuse, c'est là où il y a les cellules souches du sang. Donc en fait, on va réimplanter des cellules souches saines pour faire pour que le patient obtienne de nouveau des cellules sanguines saines sans avoir besoin d'avoir des transfusions en fait. D'ailleurs, il y avait un article, enfin, il y a eu un patient intéressant comme ça qui a été soigné d'une leucémie par un don de cellules souches sanguines, hématopoïétique, et qui a été guéri du sida. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, j'avais entendu parler de Ouais. ça. Ça remonte à une année ou deux, non? Ouais, c'est assez fou. Ouais. C'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont naturellement immunisées contre le VIH. Et en fait, une de ces personnes a donné ses cellules souches à un patient qui avait une leucémie. Et en fait, en lui donnant ses cellules sanguines, il lui a donné l'immunisation aussi, parce que, enfin, c'était assez marrant. Et bah encore plus loin dans ce genre de choses, il y a tout ce... donc il y a les dons de moelle épinière, mais aussi les dons de sang de cordon ombilical, puisque il y a dans le sang de cordon ombilical, il y a déjà enfin il y a ces cellules souches. Et donc c'est l'histoire des bébés médicaments. Donc où dans une famille où il y a un enfant malade, si les parents désirent avoir un autre enfant, ils peuvent faire des tests préimplantatoires pour être sûr, un, que l'enfant qui est à venir sera pas malade, et deux, sera compatible avec son frère ou sa sœur malade, et à ce moment-là, ils peuvent récupérer directement le sang de cordon. Donc ça a été le premier fait en France, c'était il y a un an ou deux, je crois, ils en avaient parlé. Donc voilà, donc on utilise déjà les cellules souches. C'est pas que du futur. Une autre idée, mais ça, je pense que c'est plus aussi du futur, c'est l'utiliser dans la recherche, en particulier pour tester la toxicité de certaines molécules, et donc, enfin, la toxicité ou l'efficacité quand c'est des molécules à visée thérapeutique. Et donc là, en fait, ça serait testé in vitro sur des lignées de cellules ou voire peut-être même des tissus pour voir si ça marche ou pas, ou si c'est toxique. Et ce serait pour limiter les tests sur les animaux. Bon, après, ça, faut voir aussi. Donc, ça serait de l'éthique dans la. Ce serait un argument éthique pour ceux qui sont trop éthiques. Voilà. Ok. Et puis, à un côté beaucoup plus direct. Ça serait la recherche sur le développement humain. Donc, ça peut permettre effectivement en fait de travailler sur des cellules souches embryonnaires, de mieux comprendre le développement humain, et en particulier dans le cas de maladies génétiques et comment ça se développe, et trouver donc si on comprend des molécules capables enfin, au moins de restaurer le développement normal, si ce n'est de guérir. Et aussi, ils espèrent aussi trouver enfin, au moins comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine des tumeurs. Parce qu'en fait, pour l'instant, le cancer, comme c'est vraiment des grosses modifications, on sait qu'il y a des molécules cancérigènes qui vont venir, qui vont faire, mais on ne connaît pas complètement toutes les transformations qui fait qu'on passe d'une cellule saine à une cellule cancéreuse. Parce qu'il y a trop de différences, en fait, entre les deux. Ils espèrent effectivement avec les cellules souches, puisqu'elles sont aussi mortelles, et d'essayer de comprendre aussi certains mécanismes derrière les cancers. Mais bon, tout ce côté oh, qu'est-ce que c'est beau les cellules souches, a été un peu remis en cause, surtout l'année dernière. Donc, tout d'abord par trois articles publiés en mars dans Nature, regroupé sur le titre pas du tout effrayant, Cellules souches, la face sombre. Et donc là en fait il démontrerait que les cellules souches induites en particulier, donc celles quand on prend une cellule normale et puis on lui injecte des gènes et elle redevient cellule souche, ces cellules-là en fait auraient un risque plus élevé que les autres de devenir cancéreuses. Ouais. Donc bon, c'est bien beau de soigner les gens avec des cellules souches, mais si c'est après pour leur filer un cancer, c'est peut-être pas génial. Et donc voilà, ça a quand même donné un petit peu un coup de frein. Et l'autre gros coup de frein, en fait, c'était en novembre. Le laboratoire américain Geron, qui est un des pionniers, annonçait l'arrêt d'essais cliniques sur l'utilisation de cellules souches embryonnaires pour soigner les personnes ayant eu des traumatismes au niveau de la moelle épinière. Et en fait, ils ont expliqué que c'était pour des raisons financières, qu'en fait, ça coûtait trop cher. Et donc, il y a un certain nombre de spécialistes qui pensent que c'est peut-être parce qu'en fait, c'est trop cher parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés derrière, que ça marche pas si bien que ça. Ok, c'est pas que la clinique est entourée d'églises créationnistes quelque part au milieu du Texas. J'en sais rien, je déconne, je sais même pas où se trouve ce Je crois que c'est en labo américain. Californie. En Californie, ouais, non, alors ce sera pas le cas. Donc Ouais, parce que de manière amusante, c'est vrai que les États-Unis ils sont peut-être super conservateurs sur plein de sujets, mais là c'est vrai que sur les cellules souches, ils sont vachement en avance, quoi, sur nous. ouais, enfin là où ils ont pu travailler pendant les années Bush, ça n'a pas été le cas partout. Enfin, je dis ça sans Bah oui, filet, en plus, évidemment. non, en plus c'était pendant les années Bush, quoi. C'est que bah, c'est là ils ont commencé pendant les années Bush, non? Ouais, je Non, sais pas, je devrais pas me lancer comme ça dans non, des mais champs c'est vrai qu'il y a un très contraste, comparables. quoi. Après, tant qu'ils ont des, enfin après c'est tant qu'ils ont des financements, tant qu'il n'y a pas de loi qui interdit. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'Obama, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attribué des financements publics pour la recherche dans les cellules souches que Bush voulait pas faire, et ça, c'était sûrement son côté conservateur, quoi. Mais après, eux, je pense qu'ils légifèrent beaucoup moins sur ces sujets, quoi. Ouais, ok. Alors, ce qui s'était passé, voilà, je vais faire une petite recherche sur Internet dans l'intervalle. Donc, le Sénat américain avait approuvé l'augmentation des financements pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires et Bush avait mis son veto. Donc, la recherche avait été Voilà. ralentie, mais effectivement, elle avait pas été stoppée à cette époque. Ok. Donc, en fait, en conclusion de tout ça, c'est que ça reste un gros espoir, la thérapie cellulaire par les cellules souches, mais comme on comprend pas encore complètement tous les processus de régulation, de différenciation, c'est quand même pas encore pour tout de suite. Et donc, voilà, enfin, faut vraiment que les gens patientent, alors qu'ils en entendent parler depuis un certain temps maintenant. Enfin, c'est pas encore prêt, quoi. Et en plus, bah, Ok. y a toutes les questions éthiques. On a un peu parlé au passage. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important que les gens comprennent bien ce que c'est que les cellules souches et à quoi ça peut servir et quels sont aussi les risques et pour pouvoir justement que les lois qui sont faites par nos politiques, enfin on y regarde un peu de plus près et qu'on fasse un choix de société, quoi, ça soit pas juste. Les savants fous d'un côté qui veulent tout savoir de manière n'importe comment, et puis les politiciens qui régulent selon un peu les lobbies qui leur tombent dessus. Sont Ouais, pas puis forcément non plus. ça fait partie de ces mots qui effraient un peu comme OGM, nucléaire, ces mots qui effraient un peu le grand public, on va dire. Cellules souches, ça fait un peu peur, quoi. Ça fait penser à clonage aussi, tout ça effraie facilement, quoi. Oui, alors qu'en fait, sur le clonage, pour le coup, c'est pas non plus très loin, mais comme on peut induire que des cellules pluripotentes et qu'on n'utilise que des cellules pluripotentes, en fait, on peut pas faire de clones. C'est déjà des cellules qui sont plus capables de donner un clone. Donc voilà. Et puis je crois qu'il y a la dimension, enfin il y a l'adjectif embryonnaire qui fait peur aussi et qui enflamme tout de suite les esprits quand on Oui, ça c'est parle vrai. de la problématique des cellules souches. Ouais. Tu sais un peu sur quel type d'embryon ils sont prélevés, Alors, ces échantillons? En France, c'est uniquement des embryons surnuméraires. Donc en fait, c'est des embryons obtenus quand un couple veut des enfants et donc se fait assister. Donc il va avoir une fécondation in vitro. Et il y a forcément toujours, en fait, on en fait trop. On va en implanter un certain nombre chez la mère et puis il y en a qui sont en trop et puis si ça marche ben les parents en fait n'en auront pas l'utilité. Donc en fait, ils sont en trop et on sait pas quoi enfin, il y a un peu rien à faire quoi. Donc du D'accord, donc coup c'est des embryons qui étaient condamnés de toute façon quand on prélève leur voilà. cellule. D'accord. En France, c'est ça. Après, ça dépend des réglementations, mais en règle générale, je crois que c'est ça. C'est vraiment sur du surnuméraire, c'est-à-dire des embryons qui n'ont plus de visée de devenir des êtres adultes. Enfin, Ouais, c'est quand même vachement important de le dire. Parce que je pense oui. qu'il y a ça aussi dans l'esprit des gens quand ils ont cette réaction épidermique Ouais. à l'idée d'utiliser des cellules souches embryonnaires, c'est qu'on va tuer un embryon qui avait le potentiel de devenir Justement, quelqu'un. il avait le potentiel, donc moi je trouve que ça change pas grand-chose en fait. Bah, il a le potentiel, à part que tant qu'on l'a pas mis dans un utérus, il ne deviendra rien Oui, parce qu'on c'est n'arrive pas ça, hein. encore Ouais, et puis à qu'on sait remplacer. déjà, en l'occurrence, que cet embryon-là ne sera jamais mis dans un utérus. Voilà. Ça Ouais. change quand même pas mal la donne, mais du coup, ça repousse un peu le débat après. Bah moi je comprends leur doute enfin aux gens qui enfin pour moi quand on va choisir un des embryons pour le mettre dans l'utérus, on le prend au hasard, on en prend un sur les viables et les autres sont écartés. Mais je vois en quoi ça peut déranger les gens que ça dérange parce que finalement les embryons sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que ils sont tout aussi viables, ils sont tout aussi c'est des enfin entre guillemets c'est des individus quoi, c'est Ouais. ça. Oui, non, mais après, c'est toujours le problème de quand est-ce qu'on a un individu Voilà. avant d'avoir un fœtus arrivé à 6 mois, enfin, à un poids suffisant pour qu'il soit viable hors de la mer, quoi. Bon, là, la question est différente, mais. Bon, est-ce qu'on a des questions d'auditeurs sur Twitter ou quelque chose comme ça? Quelqu'un a vu? Alors, pour ça, il faudrait qu'on suive un petit peu ce qui se passe sur Twitter, mais à C'est pas Maximato Marco pas, qui était non. sur Twitter? Ouais, Non, non, non, j'ai pas de on n'a pas questions. de questions de clients, d'auditeurs sur Twitter. D'accord, ok, bon bah on va tourner la page alors. Voilà, donc je crois que Alan, t'avais quelques annonces à faire, enfin, pour les problèmes techniques du site, enfin du Oui. podcast. Oui, alors effectivement, tout d'abord, on s'excuse auprès des auditeurs pour la piètre qualité des deux derniers podcasts. On avait des problèmes d'écho liés apparemment à une incompatibilité entre notre matériel et puis la technologie qu'on utilise sur la Wiki Radio. Là, on a réussi à trouver des réglages très subtils, mais très précis. On y a passé une partie du week-end qui doivent garantir qu'on n'aura plus le problème et puis éventuellement on pensera à changer de matériel si ça devient trop difficile de faire ces réglages. Enfin, a priori, on n'a pas trop de problèmes de son pour cet épisode et c'est plutôt cool. Et puis en parlant d'épisode et de problèmes techniques, j'ai l'immense fierté d'annoncer que un vieux problème qu'on traînait depuis un sacré moment est réglé depuis ce week-end, c'est-à-dire qu'on trouve tous les épisodes de Podcast Science sur iTunes, enfin dans tous les lecteurs de flux RSS ou votre agrégateur de podcast préféré. On était limité aux 30 derniers pour des raisons techniques un petit peu compliquées, de compatibilité avec les agrégateurs comme le Café des Sciences notamment et d'autres agrégateurs qui reprennent nos contenus. Enfin, on a réussi à contourner cette limite sans pour autant prétériter la qualité de ce qu'on envoie sur d'autres sites. Moi, je suis super content. Ça faisait un moment que ça nous embêtait. Là, c'est fait. C'est un problème définitivement réglé. C'est une page qui se tourne. Et puis, accessoirement, puisqu'on avait les mains dans le code, alors la homepage n'est pas encore refaite. C'est l'affaire d'une semaine ou deux. Par contre, on a une page boutique. sur le site Podcast Science. Donc, si vous avez envie de répandre le même en arborant fièrement un magnifique t-shirt aux couleurs de Podcast Science, bah, allez-y gaiement. Nous, on gagne rien du tout, hein. Les t-shirts sont assez chers, mais c'est parce qu'ils sont de bonne qualité. Ils sont un peu en bio bio. D'ailleurs. Ouais. Ouais. Vous aurez la conscience tranquille. Ça s'inscrit dans un processus durable. Voilà, bah allez-y, défoulez-vous, achetez des t-shirts, c'est très cool, ça nous ferait plaisir. Et montrez-vous bien quand vous le portez. Ouais, et puis envoyez-nous des photos. Voilà. Ok, c'est génial. Sinon, on voulait revenir un petit peu sur les retours qu'on a eus sur les émissions précédentes. Donc, on a eu un commentaire, celui de Nicotup. Tu veux en parler, Alan? Oui, alors on va pas lire le commentaire à l'antenne maintenant, mais c'était super intéressant. C'était en réponse sur le dossier de Mathieu, l'épisode 66 sur le chat de Schrödinger. Je m'étais risqué, comme d'habitude, sans préparation, un petit discours sur la notion d'axiome, et puis bien entendu, c'était tout faux. Donc il en a profité pour corriger le tir. Et puis pour se proposer, pour monter avec nous, enfin pour monter pour nous, un dossier sur les mathématiques. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on parle de maths. On a beaucoup parlé de biologie ces derniers temps. Donc il viendra nous présenter, c'est le 22 février, sauf erreur, en tout cas deuxième moitié de février, un sujet. Ce sera l'infini en mathématiques. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu hors antenne. Ça s'annonce passionnant. Donc voilà, il nous fera son commentaire, le commentaire qu'il avait fait à Mathieu à ce moment-là. Ok, génial. Moi, je voulais revenir sur un commentaire auquel j'ai répondu ce matin. C'était sur le dossier de Topo sur l'arbre du vivant. C'était sur quelqu'un qui nous rappelait une classification. C'était Meissa qui nous disait qu'il y avait une histoire des classifications dans laquelle on n'avait pas parlé. C'était celle de Al-Jaiz qui proposait une classification des animaux en 1776 dans un livre en arabe que je ne lirai pas parce que je pense que je pourrais pas le prononcer correctement. Et donc oui, c'est vrai que je me suis renseigné, ça existait aussi. Ok. Voilà. Parfait, la vérité est rétablie, c'est beau. Mais apparemment, elle est largement inspirée de celle de Aristote. Enfin bon, ça c'est des détails sur lesquels je suis pas très au courant. On a d'autres réactions peut-être, Alain? Alors, on a eu quelques réactions au premier live, dont on aurait voulu parler la semaine dernière, mais enfin on avait dû zapper parce qu'on n'avait plus le temps. C'est généralement des encouragements. Bon, on s'est un peu fait allumer sur les jingles qui étaient lancés à la mode plouc, un peu radio privée des années 80. Et puis sur l'écho, mais autrement, globalement, retour extrêmement positif, notamment de George X. McKee. On a eu aussi des réactions. Par la même occasion, sur le dossier de Marco, plein d'encouragements, notamment de la part d'Ethaniel, qui avait qualifié son dossier de magnifique et qui lui avait appris plein de choses à sa lecture. Il en a profité pour corriger une faute d'orthographe en passant, d'ailleurs, ce qui est plutôt sympa. N'hésitez pas, hein, si on écrit ou si on dit des bêtises, parfois on relit un peu vite. C'est toute l'idée de la communauté, des lives, etc. C'est que vous puissiez interagir en direct et rattraper le coup. Et puis Paléogeek aussi, qui était très content du dossier de Marco, qui fait une thèse sur les vertébrés. Il dit avoir particulièrement apprécié cet épisode. Donc bravo, bravo Marco. Et d'ailleurs, Paléogeek m'avait conseillé un livre que je me suis procuré et que Marco, on j'ai t'entend pas commencé. bien, peut-être tu peux augmenter ton micro? Ouais, Enfin, moi je t'entends pas bien, je sais excuse-moi. pas pour les autres. D'accord. Bon, j'ai remonté. Non, je disais que Paléogeek en fait m'avait conseillé un livre sur les vertébrés que je me suis procuré et que j'ai commencé à lire et que je trouve très très intéressant. Hein. Donc pour l'instant, je me régale. Chouette, Bah génial. tu nous feras un résumé quand tu l'auras terminé. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que ça pourrait servir de base à un podcast d'ailleurs. Ouais, et puis là, il faudra que tu rebaisses un petit peu ton micro parce que tu Ouais. provoques de l'écho. Ok. On va peut-être, vu le temps qui nous reste, on va peut-être parler d'une news ou deux, Alan. Ouais, alors tout d'abord, j'ai un petit follow-up à faire sur une question de poditeur. Donc c'est Ben et Caro que j'ai vu offline. Ben de Niptech Podcast, d'ailleurs, que je salue, que je remercie pour les plugs réguliers. Il nous fait tout le temps de la pub dans son podcast. On peut lui rendre l'appareil de temps en temps. Allez écouter Niptech Podcast si vous êtes fan de tech et du monde des startups. C'est le podcast qui a inspiré la formule de Podcast Science. Alors après, ben, l'évolution a fait son œuvre. Les deux podcasts se ressemblent plus tellement dans la formule, mais ils se ressemblent toujours dans l'esprit. C'est très très chouette. Si vous nous aimez, vous aimerez aussi Niptech Podcast, c'est sûr. Bref. Donc, ils m'ont posé la question, est-ce qu'il est normal qu'on constate une différence de 0,6 degrés entre la température prise dans l'oreille gauche et celle prise dans l'oreille droite? Intéressant comme question. Alors, j'ai un peu farfouillé la littérature scientifique sur le sujet, puis j'ai trouvé plusieurs études qui confirment leur observation. Notamment une étude clinique qui conclut à la recommandation d'abandonner les thermomètres auriculaires, c'est-à-dire ceux qu'on utilise dans les oreilles, et axillaires, ceux qui s'utilisent sous les aisselles, pour la prise de température des patients en soins intensifs, en raison non seulement de ces importantes variations gauche-droite, qui sont donc systématiquement constatées, mais encore des écarts constatés par rapport à la température pulmonaire artérielle, qui elle est la température de référence. Bon, c'est un article payant, j'ai pu lire que l'abstract. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin et je suis incapable à ce stade de répondre pourquoi il y a cette différence, mais elle est effectivement constatée chez tout le monde. C'est peut-être lié au fait que le cœur est à gauche. Alors, je ne Ouais, sais pas si c'est systématique en fait, il y a je sais. toujours un côté qui Ah, est. ben, faudrait tester parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite. Donc, faudrait. Je sais pas Alors si. voilà, c'est un appel à témoins. Si Ouais. vous avez le cœur à droite, mesurez s'il vous plaît votre température dans chacune de vos deux oreilles et transmettez-nous les résultats, vous ferez avancer la science. Ah, il y a quelqu'un? Je crois qu'il y a plus, on n'entend plus Franck. Ah voilà, moi Je crois qu'on a j'entendais plus perdu Franck. personne. Ouais, Ah j'en non. entends plus rien. Je crois qu'on a perdu Franck. On a perdu Franck. Bah, pas de bol. Pas de Bon, bol, bah, mais on espère qu'il reviendra. ouais. Bon, on va continuer comme ça. Alors, ben, il reste 3 minutes d'émission. On va peut-être passer aux côtes alors éventuellement. Ouais, c'est une joyeuse bonne idée. Ah, bon, on va bien avoir Franck avec nous, si la côte est venue, ou alors c'est par l'effet du Saint-Esprit. En principe, lui qui est aux commandes des jingles ce soir. Alors, il a peut-être juste un problème de micro. Alors, les côtes, moi, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai rien préparé. Mais vous, les amis, je suis sûr que vous avez fait quelque chose. Moi j'ai trouvé une côte qui collait au sujet d'Hélène. Donc c'est une côte qui va peut-être être sujet à débat. Elle est de James Thomson en fait, qui est le premier à avoir isolé et cultivé des cellules souches embryonnaires humaines. Et il dit, alors bon, je vais passer directement à la traduction en français peut-être. La côte en français, elle dit en fait, si la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne vous dérange pas au moins un peu, c'est que vous n'y avez pas assez réfléchi. Ouais, c'est pas mal. Et c'était qui, c'est James Thompson? Donc c'est James Thompson, voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce garçon? Bah, donc c'est celui qui est le premier à avoir isolé et cultivé des cellules souches embryonnaires humaines, je précise. D'accord, ok. Donc oui, il a eu l'occasion d'y réfléchir sous la douche, Voilà. j'imagine. Voilà. Bah, ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. Parce que oui, c'est vrai que c'est un sujet polémique. Mais bon, je pense que le problème c'est pas la science en elle-même, c'est ce qu'on en fait quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, le problème c'est pas les cellules souches. Bien sûr, je pense que c'est un progrès énorme, mais c'est ce qu'on en fait après derrière. Pourquoi? Absolument. Mais c'est vrai que, bah, ouais, tout à l'heure d'ailleurs, on l'évoquait, quoi, dès qu'on se pose la question des embryons, du potentiel de vie, c'est forcément des questions qui créent un minimum de gêne, quoi, enfin, avec lesquelles on peut pas se sentir 100% à l'aise. Même si globalement, voilà, si on fait le bilan pour, contre, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, c'est des technologies absolument formidables qui ont été amenées par la science. Mais ouais, je pense qu'on aura toujours un rapport un peu compliqué à ces questions-là. Ouais, bien sûr. Voilà, et puis j'avais pris une autre cote en bonus qui est de Descartes, une cote que j'aime bien en fait, qui est de Descartes et qui dit il vaut mieux renoncer à chercher la vérité que de le tenter sans méthode. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est drôlement bien. Il nous reste quelque chose comme 25 secondes d'émission. Alors, je ne sais pas si Franck arrivera à lancer le générique de fin ou pas, mais enfin, ça nous laisse juste le temps de dire au revoir. Je me rends compte que je n'ai pas eu le temps de faire mon petit pitch pour mon dossier de la semaine prochaine, qui sera sur les cellules photovoltaïques, mais ce n'est pas grave, vous découvrirez tout ça en même temps que les autres dans le Ouais, prochain live qui la aura lieu surprise. mercredi prochain. D'ici là, ciao, ciao, bonne semaine à tous. Ciao.